Section 10 de Mémoire d'outre-tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Première partie, livre 4. Note. Ce livre a été écrit à Berlin, mars et avril 1821. Il a été revu en juillet 1846. Fin de note. Berlin. Potsdam. Frédéric. Mon frère. Mon cousin Moreau. Ma sœur, la comtesse de Farcy. Julie Mondaine. Dîner. Pomerol. Madame de Chastenay. Cambrai. Le régiment de Navarre. La Martinière. Mort de mon père. Regret. Mon père m'eût-il apprécié? Retour en Bretagne. Séjour chez ma sœur aînée. Mon frère m'appelle à Paris. Ma vie solitaire à Paris. Présentation à Versailles. Chasse avec le roi. Il y a loin de Combourg à Berlin, d'un jeune rêveur à un vieux ministre. Je retrouve dans ce qui précède ces paroles. Dans combien de lieux ai-je commencé à écrire ces mémoires et dans quels lieux les finirai-je? Près de 4 ans ont passé entre la date des faits que je viens de raconter et celle où je reprends ces mémoires. 1000 choses sont survenues. Un second homme s'est trouvé en moi, l'homme politique. J'y suis fort peu attaché. J'ai défendu les libertés de la France, qui seule peut faire durer le trône légitime. Avec le conservateur, j'ai mis M. de Villèle au pouvoir. J'ai vu mourir le duc de Berry, et j'ai honoré sa mémoire. Afin de tout concilier, je me suis éloigné. J'ai accepté l'ambassade de Berlin. J'étais hier à Potsdam, caserne ornée, aujourd'hui sans soldats. J'étudiais le faux Julien dans sa fausse Athènes. On m'a montré, à sans souci, la table où un grand monarque allemand mettait en petits vers français les maximes encyclopédiques. La chambre de Voltaire, décorée de singes et de perroquets de bois. Le moulin que se fit un jeu de respecter, celui qui ravageait des provinces. Le tombeau du cheval César et des levrettes, Diane, Amourette, Biche, Superbe et Pax. Le royal impie se plut à profaner même la religion des tombeaux, en élevant des mausolées à ses chiens. Il avait marqué sa sépulture auprès d'eux, moins par mépris des hommes que par ostentation du néant. On m'a conduit au nouveau palais, déjà tombant. On respecte dans l'ancien château de Potsdam les taches de tabac, les fauteuils déchirés et souillés, enfin toutes les traces de la malpropreté du prince renégat. Ces lieux immortalisent à la fois la saleté du cynique, l'impudence de l'athée, la tyrannie du despote et la gloire du soldat. Une seule chose a attiré mon attention, l'aiguille d'une pendule fixée sur la minute où Frédéric expira. J'étais trompé par l'immobilité de l'image. Les heures ne suspendent point leur fuite. Ce n'est pas l'homme qui arrête le temps, c'est le temps qui arrête l'homme. Au surplus, peu importe le rôle que nous avons joué dans la vie, l'éclat ou l'obscurité de nos doctrines, nos richesses ou nos misères, nos joies ou nos douleurs, ne change rien à la mesure de nos jours. Que l'aiguille circule sur un cadran d'or ou de bois, que le cadran plus ou moins large remplisse le chaton d'une bague ou la rosace d'une basilique, l'heure n'a que la même durée. Dans un caveau de l'église protestante, immédiatement au-dessous de la chaire du schismatique défroqué, j'ai vu le cercueil du sophiste à couronne. Ce cercueil est de bronze. Quand on le frappe, il retentit. Le gendarme, qui dort dans ce lit d'airain, ne serait pas même arraché à son sommeil par le bruit de sa renommée. Il ne se réveillera qu'au son de la trompette, lorsqu'elle l'appellera sur son dernier champ de bataille, en face du dieu des armées. J'avais un tel besoin de changer d'impression que j'ai trouvé du soulagement à visiter la maison de marbre. Le roi qui la fit construire m'adressa autrefois quelques paroles honorables quand, pauvre officier, je traversais son armée. Du moins, ce roi partagea les faiblesses ordinaires des hommes. Vulgaire comme eux, il se réfugia dans les plaisirs. Les deux squelettes se mettent-ils en peine aujourd'hui de la différence qui fut entre eux jadis, lorsque l'un était le grand Frédéric et l'autre Frédéric Guillaume? Sans Souci et la maison de marbre sont également des ruines sans maître. À tout prendre, bien que l'énormité des événements de nos jours ait rapetissé les événements passés, bien que Rosbach, Lissa, Leknitz, Torgau, etc., etc., ne soient plus que des escarmouches auprès des batailles de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de la Moscova, Frédéric souffre moins que d'autres personnages de la comparaison avec le géant enchaîné à Sainte-Hélène. Le roi de Prusse et Voltaire sont deux figures bizarrement groupées qui vivront. Le second détruisait une société avec la philosophie qui servait au premier à fonder un royaume. Les soirées sont longues à Berlin. J'habite un hôtel appartenant à Madame la Duchesse de Dinau. Dès l'entrée de la nuit, mes secrétaires m'abandonnent. Quand il n'y a pas de fête à la cour pour le mariage du grand-duc et de la grande duchesse Nicolas, je reste chez moi. Enfermé seul, auprès d'un poêle à figure morne, je n'entends que le cri de la sentinelle de la porte de Brandebourg et les pas sur la neige de l'homme qui siffle les heures. À quoi passerai-je mon temps? Des livres, je n'en ai guère, si je continuais mes mémoires. Vous m'avez laissé sur le chemin de Combourg à Rennes. Je débarquais dans cette dernière ville chez un de mes parents. Il m'annonça tout joyeux qu'une dame de sa connaissance, allant à Paris, avait une place à donner dans sa voiture et qu'il se faisait fort de déterminer cette dame à me prendre avec elle. J'acceptai en maudissant la courtoisie de mon parent. Il conclut l'affaire et me présenta bientôt à ma compagne de voyage, marchande de mode, leste et désinvolte, qui se prit à rire en me regardant. À minuit, les chevaux arrivèrent et nous partîmes. Me voilà dans une chaise de poste, seule, avec une femme, au milieu de la nuit, moi qui de ma vie n'avais regardé une femme sans rougir, comment descendre de la hauteur de mes songes à cette effrayante vérité. Je ne savais où j'étais. Je me collais dans l'angle de la voiture de peur de toucher la robe de Madame Rose. Lorsqu'elle me parlait, je balbutiais sans lui pouvoir répondre. Elle fut obligée de payer le postillon, de se charger de tout, car je n'étais capable de rien. Au lever du jour, elle regarda avec un nouvel ébahissement ce nigaud dont elle regrettait de s'être emberloquée. Dès que l'aspect du paysage commença de changer et que je ne reconnus plus l'habillement et l'accent des paysans bretons, je tombai dans un abattement profond, ce qui augmenta le mépris que Madame Rose avait de moi. Je m'aperçus du sentiment que j'inspirais et je reçus de ce premier essai du monde une impression que le temps n'a pas complètement effacée. J'étais né sauvage et non vergogneux. J'avais la modestie de mes années, je n'en avais pas l'embarras. Quand je devinais que j'étais ridicule par mon bon côté, ma sauvagerie se changea en une timidité insurmontable. Je ne pouvais plus dire un mot, je sentais que j'avais quelque chose à cacher et que ce quelque chose était une vertu. Je pris le parti de me cacher moi-même pour porter en paix mon innocence. Nous avancions vers Paris. À la descente de Saint-Cyr, je fus frappé de la grandeur des chemins et de la régularité des plantations. Bientôt, nous atteignîmes Versailles, l'orangerie et ses escaliers de marbre m'émerveillèrent. Les succès de la guerre d'Amérique avaient ramené des triomphes au château de Louis XVI. La reine y régnait dans l'éclat de la jeunesse et de la beauté. Le trône, si près de sa chute, semblait n'avoir jamais été plus solide. Et moi, passant obscur, je devais survivre à cette pompe. Je devais demeurer pour voir les bois de Trianon aussi déserts que ceux dont je sortais alors. Enfin, nous entrâmes dans Paris. Je trouvais à tous les visages un air goguenard. Comme le gentilhomme périgourdin, je croyais qu'on me regardait pour se moquer de moi. Madame Rose se fit conduire rue du Mail à l'hôtel de l'Europe et s'empressa de se débarrasser de son imbécile. À peine étais-je descendu de voiture qu'elle dit au portier « Donnez une chambre à ce monsieur ». « Votre servante, » ajouta-t-elle, en me faisant une révérence courte, « je n'ai de mes jours revu Madame Rose. » Une femme monta devant moi un escalier noir et roide, tenant une clé étiquetée à la main. Un savoyard me suivit, portant ma petite malle. Arrivé au troisième étage, la servante ouvrit une chambre. Le savoyard posa la malle, en travers, sur les bras d'un fauteuil. La servante me dit « Monsieur, veut-il quelque chose ?» Je répondis non. Trois coups de sifflet partirent. La servante cria « On y va !» sortit brusquement, ferma la porte et dégringola l'escalier avec le savoyard. Quand je me vis seul, enfermé, mon cœur se serra d'une si étrange sorte qu'il s'en valut peu que je ne reprisse le chemin de la Bretagne. Tout ce que j'avais entendu dire de Paris me revenait dans l'esprit. J'étais embarrassé de 100 manières. Je m'aurais voulu coucher et le lit n'était point fait. J'avais faim et je ne savais comment dîner. Je craignais de manquer aux usages. Fallait-il appeler les gens de l'hôtel? Fallait-il descendre? À qui m'adresser? Je me hasardais à mettre la tête à la fenêtre. Je n'aperçus qu'une petite cour intérieure, profonde comme un puits, où passaient et repassaient des gens qui ne songeraient de leur vie aux prisonniers du troisième étage. Je vins me rasseoir auprès de la salle alcôve où je me devais coucher, réduit à contempler les personnages du papier peint qui en tapissaient l'intérieur. Un bruit lointain de voix se fait entendre, augmente, approche, ma porte s'ouvre, entre mon frère et un de mes cousins, fils d'une sœur de ma mère, qui avait fait un assez mauvais mariage. Madame Rose avait pourtant eu pitié du bonnet. Elle avait fait dire à mon frère, dont elle avait su l'adresse à Rennes, que j'étais arrivée à Paris. Mon frère m'embrassa. Mon cousin Moreau était un grand et gros homme, tout barbouillé de tabac, mangeant comme un ogre, parlant beaucoup, toujours trottant, soufflant, étouffant, la bouche entr'ouverte, la langue à moitié tirée, connaissant toute la terre, vivant dans les tripots, les antichambres et les salons. « Allons, chevalier, s'écria-t-il, vous voilà à Paris, je vais vous mener chez madame de Chastenay. » Qu'était-ce que cette femme, dont j'entendais prononcer le nom pour la première fois? Cette proposition me révolta contre mon cousin Moreau. « Le chevalier a sans doute besoin de repos, » dit mon frère. « Nous irons voir madame de Farcy, puis il reviendra dîner et se coucher. » Un sentiment de joie entra dans mon cœur. Le souvenir de ma famille, au milieu d'un monde indifférent, me fut un baume. Nous sortîmes, le cousin Moreau tempêta au sujet de ma mauvaise chambre et enjoignit à mon hôte de me faire descendre au moins d'un étage. Nous montâmes dans la voiture de mon frère et nous nous rendîmes au couvent qu'habitait madame de Farcy. Julie se trouvait depuis quelque temps à Paris pour consulter les médecins. Sa charmante figure, son élégance et son esprit l'avaient bientôt fait rechercher. J'ai déjà dit qu'elle était née avec un vrai talent pour la poésie. Elle est devenue une sainte après avoir été une des femmes les plus agréables de son siècle. L'abbé Caron a écrit sa vie. Ses apôtres, qui vont partout à la recherche des âmes, ressentent pour elle l'amour qu'un père de l'Église attribue au Créateur. « Quand une âme arrive au ciel, dit ce père, avec la simplicité de cœur d'un chrétien primitif et la naïveté du génie grec, Dieu la prend sur ses genoux et l'appelle sa fille. » Lucile a laissé une poignante lamentation. « À la sœur que je n'ai plus. » L'admiration de l'abbé Caron pour Julie explique et justifie les paroles de Lucile. Le récit du Saint-Prêtre montre aussi que j'ai dit vrai dans la préface du génie du christianisme. Et sert de preuve à quelques parties de mes mémoires. Julie, innocente, se livra aux mains du repentir. Elle consacra les trésors de ses austérités au rachat de ses frères, et à l'exemple de l'illustre africaine, sa patronne, elle se fit martyre. L'abbé Caron, l'auteur de la vie des justes, et cet ecclésiastique, mon compatriote, le François de Paul de l'exil, dont la renommée, révélée par les affligés, perça même à travers la renommée de Bonaparte. La voix d'un pauvre vicaire, proscrit, n'a point été étouffée par les retentissements d'une révolution qui bouleversait la société. Il parut être revenu tout exprès de la terre étrangère pour écrire les vertus de ma sœur. Il a cherché parmi nos ruines, il a découvert une victime et une tombe oubliée. Lorsque le nouvel hagiographe fait la peinture des religieuses cruautés de Julie, on croit entendre Bossuet dans le sermon sur la profession de foi de mademoiselle de la Vallière. Osera-t-elle toucher à ce corps si tendre, si chéri, si ménagé? N'aura-t-on point pitié de cette complexion délicate? Au contraire, c'est à lui principalement que l'âme s'en prend, comme à son plus dangereux séducteur. Elle se met des bornes, resserrée de toutes parts. Elle ne peut plus respirer que du côté du ciel. Je ne puis me défendre d'une certaine confusion en retrouvant mon nom dans les dernières lignes tracées par la main du vénérable historien de Julie. Qu'ai-je à faire avec mes faiblesses auprès de si haute perfection? Ai-je tenu tout ce que le billet de ma sœur m'avait fait promettre lorsque je le reçus pendant mon émigration à Londres? Un livre suffit-il à Dieu? N'est-ce pas ma vie que je devrais lui présenter? Or, cette vie est-elle conforme au génie du christianisme? Qu'importe que j'ai tracé des images plus ou moins brillantes de la religion, si mes passions jettent une ombre sur ma foi. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Je n'ai pas endossé le cilice. Cette tunique de mon viatique aurait bu et séché mes sueurs. Mais, Voyageur lassé, je me suis assis au bord du chemin. Fatigué ou non, il faudra bien que je me relève, que j'arrive où ma sœur est arrivée. Il ne manque rien à la gloire de Julie. L'abbé Caron a écrit sa vie, Lucille a pleuré sa mort. Quand je retrouvai Julie à Paris, elle était dans la pompe de la mondanité. Elle se montrait couverte de ses fleurs, parée de ses colliers, voilée de ses tissus parfumés que saint Clément défend aux premières chrétiennes. Saint Basile veut que le milieu de la nuit soit pour le solitaire ce que le matin est pour les autres, afin de profiter du silence de la nature. Ce milieu de la nuit était l'heure où Julie allait à des fêtes dont ses vers, accentués par elle avec une merveilleuse euphonie, faisaient la principale séduction. Julie était infiniment plus jolie que Lucille. Elle avait des yeux bleus caressants et des cheveux bruns à gaufrure ou à grandes ondes. Ses mains et ses bras, modèles de blancheur et de forme, ajoutaient par leurs mouvements gracieux quelque chose de plus charmant encore à sa taille charmante. Elle était brillante, animée, et riait beaucoup sans affectation et montrait en riant des dents perlées. Une foule de portraits de femmes du temps de Louis XIV ressemblaient à Julie, entre autres ceux des trois Mortemart, mais elle avait plus d'élégance que Madame de Montespan. Julie me reçut avec cette tendresse qui n'appartient qu'à une sœur. Je me sentis protégée en étant serrée dans ses bras, ses rubans, son bouquet de roses et ses dentelles. Rien ne remplace l'attachement, la délicatesse et le dévouement d'une femme. On est oublié de ses frères et de ses amis. On est méconnu de ses compagnons. On ne l'est jamais de sa mère, de sa sœur ou de sa femme. Quand Harold fut tué à la bataille d'Hastings, personne ne le pouvait indiquer dans la foule des morts. Il fallut avoir recours à une jeune fille, sa bien-aimée. Elle vint, et l'infortuné prince fut retrouvé par Edith au cou de cygne. Editha, suane sales, quod sonat colum sicni. Mon frère me ramena à mon hôtel, il donna des ordres pour mon dîner et me quitta. Je dînai solitaire, je me couchai triste. Je passai ma première nuit à Paris à regretter mes bruyères et à trembler devant l'obscurité de mon avenir. À 8 heures le lendemain matin, mon gros cousin arriva. Il était déjà à sa 5e ou 6e course. « Eh bien, chevalier, nous allons déjeuner. » « Nous dînerons avec Pomerol, et ce soir, je vous mène chez Madame de Chastenay. » « Ceci me parut un sort, et je me résignai. » Tout se passa comme le cousin l'avait voulu. Après déjeuner, il prétendit me montrer Paris et me traîna dans les rues les plus sales des environs du Palais-Royal, me racontant les dangers auxquels était exposé un jeune homme. Nous fûmes ponctuels au rendez-vous du dîner, chez le restaurateur. Tout ce qu'on servit me parut mauvais. La conversation et les convives me montrèrent un autre monde. Il fut question de la cour, des projets de finances, des séances de l'académie, des femmes et des intrigues du jour, de la pièce nouvelle, des succès des acteurs, des actrices et des auteurs. Plusieurs Bretons étaient au nombre des convives, entre autres le chevalier de guerre et Pomerol. Celui-ci était un beau parleur, lequel a écrit quelques campagnes de Bonaparte et que j'étais destiné à retrouver à la tête de la librairie. Pomerol, sous l'Empire, a joui d'une sorte de renom par sa haine pour la noblesse. Quand un gentilhomme s'était fait chambellan, il s'écriait, plein de joie, « Encore un pot de chambre sur la tête de ces nobles !» Et pourtant Pomerol prétendait, et avec raison, être gentilhomme. Il signait « Pomereux », se faisant descendre de la famille Pomereux des lettres de Madame de Sévigné. Mon frère, après le dîner, voulut me mener au spectacle. Mais mon cousin me réclama pour Madame de Chastenay, et j'allai avec lui chez ma destinée. Je vis une belle femme qui n'était plus de la première jeunesse, mais qui pouvait encore inspirer un attachement. Elle me reçut bien, tâcha de me mettre à l'aise, me questionna sur ma province et sur mon régiment. Je fus gauche et embarrassée, je faisais des signes à mon cousin pour abréger la visite. Mais lui, sans me regarder, ne tarissait point sur mes mérites, assurant que j'avais fait des vers dans le sein de ma mère, et m'invitant à célébrer Madame de Chastenay. Elle me débarrassa de cette situation pénible, me demanda pardon d'être obligée de sortir, et m'invita à revenir la voir le lendemain matin, avec un son de voix si doux que je me promis involontairement d'obéir. Je revins le lendemain, seule, chez elle, je la trouvai couchée dans une chambre élégamment arrangée. Elle me dit qu'elle était un peu souffrante et qu'elle avait la mauvaise habitude de se lever tard. je me trouvais pour la première fois au bord du lit d'une femme qui n'était ni ma mère ni ma sœur. Elle avait remarqué la veille ma timidité et elle la vainquit au point que j'osais m'exprimer avec une sorte d'abandon. J'ai oublié ce que je lui dis, mais il me semble que je vois encore son air étonné. Elle me tendit un bras demi-nu et la plus belle main du monde. Nous vous apprivoiserons. Je ne baisai pas même cette belle main. Je me retirai tout troublé. Je partis le lendemain pour Cambrai. Qui était cette dame de Chastenay? Je n'en sais rien. Elle a passé comme une ombre charmante dans ma vie. Fin de la section 10.